الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد نكون continue l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi avec une explication de Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan qu'Allah le préserve. Donc la semaine dernière on avait traité la parole de l'auteur lorsqu'il rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah a détesté leur départ. On avait cité le contexte de ce verset, à savoir qu'il concernait les hypocrites qui détestaient et ne voulaient pas sortir dans la bataille de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a dit que si vraiment ils voulaient participer et partir au combat, alors ils auraient fait des préparatifs. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a informé que c'est lui qui les a rendus paresseux. Et il leur a été dit, en plus de cela, en plus du fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait en sorte qu'ils soient paresseux, que des personnes leur ont dit de rester avec ceux qui restent, à savoir les vieux, les femmes et les enfants. Et Allah Azza wa Jal a informé dans ce verset, dans ces versets de Sourate At-Tawbah, que s'ils étaient sortis, ils auraient créé de la zizanie au sein des musulmans. Et l'auteur avait cité ce verset pour montrer le caractère que le fait qu'Allah Azza wa Jal déteste. Qu'Allah Azza wa Jal déteste. Et la semaine d'avant, on avait vu les autres attributs d'Allah Azza wa Jal, à savoir ceux de la colère, ceux du courroux, et la semaine dernière, celui du fait de détester. Ensuite, on avait cité le hadith que l'auteur a cité, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai dunya. Qu'Allah descend, que notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. Et on avait traité l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est sifatul nuzul. L'attribut de la descente, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend réellement. Et qu'on ne devait pas s'attarder sur le comment et de se poser maintes et maintes questions sur comment est-ce qu'Allah descend, comment est-ce qu'il descend toutes les nuits alors que la nuit diffère en fonction des différents endroits dans le globe. Toutes ces questions sont des questions qui ne sont pas utiles. La seule chose que doit savoir le musulman, c'est qu'Allah Azza wa Jal descend chaque nuit jusqu'au dernier tiers de la nuit et qu'il dit qui me demande le pardon afin que je lui pardonne, qui me demande des choses afin que je lui donne et qui veut se repentir afin que j'accepte de lui son repentir, et que c'est ce que devait retenir le musulman dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de s'efforcer autant que possible pour prier et durant ce dernier tiers de la nuit et profiter de cette occasion qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition. Ensuite, on avait cité un second hadith. Le hadith du Prophète sallam dit Ya'jibu rabbuka min ash-shab laysat lahu sabwa, que ton Seigneur s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'attirance. Et on avait déduit de ce hadith sifatu al-'ujb lillahi subhanahu wa ta'ala, l'attribut de l'étonnement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne d'un jeune qui n'a pas d'attirance. Car ce qui caractérise les jeunes ou la jeunesse, c'est le fait qu'ils soient attirés par les plaisirs et les passions de cette vie d'ici-bas. Et un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah azza wa jal, qui était éloigné de tous ses péchés, de tous ses plaisirs éphémères de cette vie d'ici-bas, mais a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et était attiré par les adorations, par la mosquée et toute autre chose bénéfique en dehors de tout plaisir interdit et de toute distraction interdite, et bien Allah Azza wa Jal s'étonne de ce jeûne, car ce n'est pas quelque chose de commun et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, et quelque chose de qui attire l'étonnement, c'est quelque chose, comme on l'avait dit la semaine dernière, qui sort de son ordinaire. De même pour un vieux, une personne âgée, un vieillard qui commet l'adultère, il fera partie des gens qui n'entreront pas au paradis, ils feront partie des gens qu'Allah Azza wa Jal, à qui Allah Azza wa Jal n'adressera pas la parole, à qui il ne regardera, à qui Allah Azza wa Jal ne regardera pas, et ils auront dans l'au-delà un châtiment douloureux parmi eux, Shaykhun Zanin, le vieux qui commet l'adultère ou la fornication, car c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, les vieux n'ayant plus cette attirance et ce besoin ou ce désir de tomber dans l'adultère ou la yadou billah. On s'est arrêté ici. Il dit le mu'allif, wa qawluhu, ay sallallahu alayhi wa sallam, yadhaku Allah ila rajulayn, qatala ahaduhum al-akhar, thumma yadkhulan al-jannah. فهذا وما أشبهه مما صح سنده. Puis l'auteur dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah rit à deux personnes qui, à deux hommes dont un a tué l'autre et les deux entrent au paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الشيخ الفوزان هذا أيضا حديث صحيح يضحك الله إلى رجلين فيه وصف الله بأنه يضحك والمخلوق يضحك أيضا لكن مع الفرق بين ضحك الله وبين ضحك المخلوق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة وقد جاء تفسير ذلك بأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر والمقتول كان مؤمنا فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة فاجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. قال الشيخ الفوزان donc الشيخ الفوزان dit ceci également est un hadith authentique qu'Allah rit à deux hommes. Il y a dans ce hadith la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit. Et les créatures, elles aussi, rient, mais il y a une grande différence et un grand fossé entre le rire d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rire de ses créatures. Allah rit à deux hommes, dont un a tué l'autre et dont les deux entreront au paradis. Et les deux entreront au paradis. Et l'explication de ce hadith et que cet homme, c'est-à-dire l'assassin, était dans la mécréance, c'est-à-dire qu'il n'était pas musulman. Et la victime était croyante. Le non-musulman a donc tué le croyant. Puis, Allah Azza wa Jal a accordé le repentir, ou a accepté le repentir, de ce non-musulman qui s'est converti et est ensuite entré au paradis. Ils se sont donc réunis et rassemblés, à savoir le tueur et le tué, au paradis, car Allah Azza wa Jal a pardonné et a accordé son repentir au tueur. Il y a donc dans ce hadith une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit de ce min hada al-amr al-azim, de ce sujet immense, de ce grand sujet. Vous avez compris le hadith, c'est bon ? فهذا وما أشبه مما صح سنده قال الإمام ابن قدامة فهذا رحمه الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده et ceci et ce qui est similaire ont une chaîne de transmission authentique, à savoir ce hadith et les hadiths qui sont similaires ont une chaîne de transmission qui est authentique. قال الشيخ الفوزان فهذا الذي ذكر من هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده فلا بد أن يكون سنده صحيحا. Donc ce qu'a cité l'auteur comme hadith, à savoir le hadith où Allah Azza wa Jal rit aux deux hommes, le hadith où Allah Azza wa Jal s'étonne du jeûne, et l'autre hadith qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel le plus bas lors du dernier tiers de la nuit. Tous ces hadiths et hadiths similaires sont des hadiths dans lesquels sont décrites les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous authentiques. Il y a donc comme condition pour attester un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a comme condition que le hadith doit être authentique. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل هذا هو الصحيح ما توفر فيه هذه الشروط الخمسة فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان أحدا لأنه يفيد العلم واليقين. Le hadith authentique, qu'est-il? Le hadith authentique, c'est ce que rapporte un juste, tamud dabt, c'est-à-dire qui rapporte de façon exacte. An mithlihi, qui rapporte de façon exacte d'une personne similaire à lui, à savoir une personne qui est juste, elle aussi, et qui est dabit, qui rapporte de façon exacte. Min bidayati sanadi ila nihayati, du début de la chaîne de transmission jusqu'à la fin. Ma'a salamati min ash-shudhudi wa salamati min al-'ilal, en étant épargné de ash-shudhud. Qu'est-ce que ash-shudhud? Non, en fait, ici, quand on parle de shad, ici, on parle dans le sened. On parle dans le sened. Il y a les deux, le sened et le matn, mais celui qui est le plus utilisé, c'est ash-shudhud fi sened. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte une chose qui contredit ce qu'a rapporté un rapporteur meilleur que lui. À savoir qu'il ne faut pas que dans la chaîne de transmission, il y ait un moment où un rapporteur rapporte une chose qui diffère ou qui est contradictoire avec ce qu'ont rapporté d'autres rapporteurs qui sont plus justes que lui et qui rapportent les faits avec une plus grande exactitude. Ou bien, au aktharu adadan, comme les savants disent, an yukhalif ar-rawi man huwa arjahu minhu, au aktharu adadan, ou bien que ce rapporteur rapporte quelque chose de contradictoire que contredise un nombre plus important d'autres rapporteurs. وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْعِلَلِ. Également, le hadith doit être exempt de al-ilal. C'est des causes qui viendraient remettre, critiquer le sanad ou le matn. Et en général, al-ilal, ce sont des choses qui sont discrètes, des choses qui sont cachées, que seuls les savants du hadith qui sont qui sont spécialisés dans ce domaine connaissent al-ilal. Et al-ilal al-hadith, c'est une science dans le hadith en à part entière. C'est une science dans le hadith à part entière. Et là, on rentre dans vraiment les détails de ilm al-hadith, à savoir ce rapporteur-là, est-ce qu'il est vraiment juste ou pas, est-ce que sa mémoire était bonne ou elle n'était pas bonne. Le hadith également dans le matn, est-ce qu'il y a une subtilité dans ce matn qui le rend suspect, par exemple. Donc il faut qu'il soit exempt de tout défaut. هذا هو الصحيح. C'est cela le hadith authentique. ما توفرت فيه الشروط الخمسة, celui dont les cinq conditions sont respectées. Quelles sont ces cinq conditions? ما رواه عدل ضابط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل. Donc il y a cinq conditions, à savoir d'être juste, d'être exact dans ses propos, que cela englobe la chaîne de transmission du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que tous les rapporteurs doivent être justes et rapporter de façon exacte du début jusqu'à la fin, et en étant épargné de tout shudud et de tout ilal. Et lorsque le hadith est authentique, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il comporte un attribut parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou qui informe d'Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit qu'il parle de choses en rapport avec l'invisible, avec al-ghayb, فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِمَانُ بِهِ وَاَعْتِقَادُهُ. Il est alors obligatoire de croire et de considérer cela comme une croyance profonde. سَوَاءٌ كَانَ مُتَوَاتِرًا أَوْ كَانَ أَحَادًا. Et ceci, que ce hadith soit mutawatir ou qu'il soit ahad. Car il donne une science et une certitude. Qu'est-ce que le hadith mutawatir? On avait déjà vu ça? Non, c'est le hadith rapporté par beaucoup de chaînes de transmission. Et c'est le hadith qui a le plus haut degré de, d'authenticité. D'accord? Et, comment dire? Et dans la science du hadith, le hadith se divise en deux. Soit le hadith ahad, soit le hadith mutawatir. Autrement dit, l'ahad, c'est tous les hadiths qui ne sont pas mutawatir. D'accord? Donc il y a plusieurs degrés de séparation des hadiths. Soit il est mutawatir, soit il est ahad. Et dans le ahad, il y a le sahih, le sahih et le hassan. Il y a le sahih et le hassan. Et certaines sectes ont posé comme condition que tout ce qui est croyance, on ne prend que les hadiths qui sont mutawatir. Les hadiths qui sont ahad, même s'ils sont authentiques, authentifiés par le Bukhari et le Muslim par exemple, parce qu'un hadith peut très bien être rapporté par le Bukhari et le Muslim sans être mutawatir. Il y en a même beaucoup. Sans être mutawatir. Et donc certaines sectes considèrent, elles, que tant que le hadith n'est pas mutawatir, on ne prend pas en compte tout ce qui est en rapport avec l'invisible, tout ce qui est en rapport avec les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est faux. Car chez les musulmans, lorsque le hadith est authentique, qu'il soit mutawatir ou qu'il soit ahad, il signifie une science et une certitude. On est sûr et certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, car c'est un hadith authentique. Qui dit hadith authentique dit que les rapporteurs sont justes, rapportent de façon exacte du début du sanad jusqu'à la fin, et que ce hadith est exempt de toute contradiction et de tout défaut. لما لا كما يقول أهل الضلال إن خبر الأحد ولو صح يفيد الظن عندهم وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc on a dit, Al-Fawzan, non, comme ils disent des égarés, à savoir que le hadith ahad, même s'il est authentique, il donne une suspicion. C'est une suspicion chez eux. C'est-à-dire, ce n'est pas une certitude. C'est quelque chose qui peut être vrai comme ne peut pas être vrai. Et Cheikh Al-Fawzan dit que ceci est une contamination de leur pensée par la science de la parole, ilm al-kalam, et que si leur raison était juste et saine, et si leur foi également était saine, ils n'auraient pas osé dire une telle parole sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma ma lam yassih sanadu fa huwa hadith da'if. القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين صحيح أو ضعيف والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح وإنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخر من أهل الحديث ويقولون أول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله وإلا فالأقدمون عندهم الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف لا يدخل فيه باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. Quant au hadith dont la chaîne de transmission n'est pas authentique, c'est le hadith qui est faible, da'if. Et les anciens, chez eux, le hadith se divisait en deux. Soit il était authentique, soit il était faible. والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح. Et le hadith bon, à savoir le hadith Hassan, était chez eux considéré comme entrant dans la catégorie du sahih. Autrement dit, avant les savants, ils avaient deux sortes de hadith. Soit le hadith est sahih, soit le hadith est da'if. Et ce n'est qu'après que les savants ont divisé le hadith en trois, à savoir Sahih, Hassan et Daif. Et auparavant, le hadith Hassan était rentré dans la catégorie de Sahih. Et Cheikh Fawzan dit, et le fait de diviser le hadith en trois, à savoir authentique, bon et faible, ceci est apparu chez les contemporains, on va dire, ou les, ceux qui sont venus par la suite, parmi les gens, parmi les savants du hadith, et qui ont dit, et le premier qui a dit cela, et Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, quant à ceux qui les ont précédés, le hadith chez eux était divisé en sahih, qui comprenait le hasan, et en da'if. لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. Et le hadith da'if n'était pas pris en considération dans le chapitre de la croyance, sauf s'il était appuyé ou si le sens qu'il contenait était présent dans un autre hadith qui lui était authentique. قد يقول قائل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء ضعيف فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتض بأدلة صحيحة وتدخل تحت أصل والضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به أما إذا لم يستأنس على أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. فشيخ الفوزان دي et certains peuvent dire mais il y a des hadiths que l'auteur a cités qui sont dont certains sont faibles. Et Cheikh Fawzan dit, nous répondons, ce que l'auteur ne les a cités, c'est-à-dire ces hadiths qui comportent des faiblesses, que parce qu'elles sont liées et qu'elles sont appuyées et soutenues par d'autres textes qui, eux, sont authentiques. Et ces hadiths faibles entrent sous la base qui est les hadiths authentiques. Et les hadiths faibles, إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به. Et un hadith da'if, lorsqu'il entre sous la base d'un hadith authentique, il est autorisé de le prendre en considération. أما إذا لم يستند على أصل صحيح فلا يستدل به في باب العقائد. Et lorsque il n'est lié ni de près ni de loin à un hadith authentique, alors ce hadith faible ne doit pas être pris en compte. قال المؤلف وعدلت رواته يعني فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ونرده ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. Donc l'auteur dit, donc ceux-ci, c'est-à-dire ces hadiths et ceux qui sont similaires, ont une chaîne de transmission authentique. C'est-à-dire que ces rapporteurs sont justes. Tous ces hadiths, nous y croyons, nous ne les rejetons pas et nous ne les renions pas. Et nous ne les interprétons pas d'une interprétation qui contredit leur sens apparent. قال الشيخ الفوزان عدلت رواته هذا داخل فيما صح سنده لأنه لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته وهو هنا من باب التأكيد والترابط. Donc le fait que l'auteur dit et dont les rapporteurs sont justes, ceci entre dans les conditions du hadith authentique. Car un hadith ne peut être authentique que lorsque tous ses rapporteurs sont justes. Et ici, l'auteur a cité cela afin d'appuyer le fait que ces hadiths sont authentiques. قال الشيخ الفوزان نؤمن به ونعتقده ولا نرده بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقية الكلامية التي ابتدعوها فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم نؤمن به ونعتقد ما دل عليه ولا نرده كما يرد هؤلاء. Puis l'auteur a dit, nous y croyons, nous ne les rejetons pas et nous ne les renions pas. C'est-à-dire tous ces hadiths authentiques qui parlent des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Fawzan dit, nous y croyons et nous ne les rejetons pas, contrairement aux gens égarés qui rejettent ce qui est authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disent que ceci n'apporte pas une science exacte selon leurs règles qui sont basées sur la science de la parole, à savoir qu'ils disent que les hadiths en rapport avec la croyance, on doit prendre que les hadiths qui sont mutawatir. Et les hadiths ahad, on ne les prend pas, même s'ils sont authentiques, comme le disent les gens égarés. فَنَحْنُ لَا نَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ Comme le dit Cheikh Fawzan, nous ne faisons pas comme eux. Au contraire, nous désavouons d'eux et de leur acte. Et bien au contraire, nous croyons en ce hadith et nous considérons et nous croyons en ce qu'il contient et nous ne le rejetons pas comme le font ces personnes. وَلَا نَجْحَدُهُ حمك الله نجحته بأن ننفي ما دل عليه من الأسماء والصفات لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما أثبت الله ورسوله هذا واجب المسلم الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين ولا يلتفت إلى هذه الأمور وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Et nous ne renions pas. C'est-à-dire, nous ne renions pas ce que rapportent ces hadiths comme nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne renions rien de tout cela. Bien au contraire, nous attestons tout ce qui est rapporté ou tout ce qu'a attesté Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une obligation et l'obligation du musulman de croire et de se soumettre à tout ce qui est rapporté de façon authentique d'après Allah Azza wa Jal et d'après son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas rentrer avec nos raisons et notre façon de penser et nos soupçons ou les doutes que l'on peut émettre, ou bien d'accepter les paroles des égarés ou d'être victime des shubuhat, des ambiguïtés des égarés également. Nous ne devons pas prêtez attention à tout cela, car Allah Azza wa Jal dit wa ma kana lil mu'minin, il n'appartient ni aux croyants ni aux croyantes, lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose, d'avoir le choix sur ceci, et ceux qui désobéissent à Allah et à son envoyé, alors ils connaîtront un égarement manifeste. فالمدار على الثبوت والصحة فما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. Donc, tout réside sur le fait que ces hadiths soient authentiques. Tout ce qui est rapporté de façon authentique, il est obligatoire d'y croire, de l'accepter, de l'attester, de le mettre en pratique sans hésitation, sans retenue et sans prêter attention à tout ce que disent les gens égarés. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. Et nous ne l'interprétons pas d'une interprétation qui contredit son sens apparent. قال الشيخ الفوزان لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل. Et ceci est ce que font ceux qui nous contredisent. Soit ils rejettent ils n'acceptent pas, à savoir ces hadiths, ou soit ils les acceptent, mais en les interprétant lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de les rejeter. Lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de les rejeter, ils se dirigent donc vers l'interprétation. إلى معان أخرى مثلا قالوا اليد معناها القدرة والوجه معناه الذات والاستواء معناه الاستيلاء على العرش لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن والسنة فيلجأون إلى التأويل. Et l'interprétation, c'est le fait de détourner un mot ou un terme de son sens authentique vers un autre sens qui est faux, et de détourner les textes religieux de leur sens apparent vers un autre sens. Exemple, ils disent que la main signifie la puissance. Ils disent que le visage signifie l'essence d'Allah Azza wa Jal. Ils disent que al-istiwa signifie le fait de al-istila, c'est le fait d'avoir le pouvoir sur quelque chose, de dominer, le fait de dominer. Au lieu de l'istiwa, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de son trône, et dit ce n'est pas un établissement, c'est une domination. Qu'Allah Azza wa Jal domine son trône. Car ils ne peuvent pas rejeter ces textes, car elles sont authentiques dans le Coran et dans la Sunna. Ils se dirigent donc vers une interprétation. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. Et l'imam Qudama a dit, et nous ne le faisons pas ressembler au caractère et aux attributs de ces créatures. قال شيخ الفوزان لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه ولا نشبهه كما أن الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا يتكلمون أيضا في معانيها لكن يشبهونها أيضا بالصفات المخلوقين هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة وهذا المذهب باطل مثل التعطيل والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تأويل ومن غير تشبيه هذا مذهب أهل الحق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نكلم الشيخ الفوزان دي لا نرده ولا نؤوله نوم ne rejetons pas ces hadiths et nous ne les interprétons pas et nous ne faisons pas ressembler les attributs d'Allah Azza wa Jal à ceux de ses créatures comme le font une autre secte égarée qui atteste ces preuves et ne les remettent pas en cause ni remettent en cause leur sens. Ils acceptent à la fois le fait qu'elles sont authentiques, et ils acceptent le sens, mais ils font ressembler les attributs d'Allah Azza wa Jal à ceux de ses créatures. Cette secte est appelée Al-Mushabbiha, ou bien Al-Mumathila, wa hada madhhabun batilun mithlu at-ta'til, et c'est un mouvement qui est nul et qui est faux, comme ceux qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ils sont comparables à ceux qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal. Car ce sont les deux extrêmes. D'un côté, il y a ceux qui attestent les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais abusent dans cette attestation jusqu'à faire ressembler les attributs d'Allah à ceux de ses créatures. Et les autres qui renient toute ressemblance à Allah Azza wa Jal, avec ses créatures, et qui renient également tout attribut. Ils en sont arrivés au point de renier tout attribut à Allah Azza wa Jal, car le fait d'attribuer à Allah signifie indirectement de le faire ressembler à ses créatures. Et Cheikh Al-Fawzan dit wal madhhab al-haq, et le chemin de la vérité, c'est le fait d'attester ces noms et attributs selon leurs termes, selon leur sens, sans les interpréter et sans faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la voix des gens de la vérité, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble, et celui qui voit tout et qui entend tout. فَنَفَعَ نَفْسِهِ الْمِثْلِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَأَثْبَتَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ يعني الأشباه والنظراء وفي الآية الأخرى وَلَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أي مكافئا ومساويا وفي الآية الأخرى هل تعلم له سميا أي هل تأي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله فلا تجعلوا لله أندادا والأنداد هم الأشباه والنظراء لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ليس له شبيه بوجه من الوجوه فالمشبهة يثبتون الأدلة ولا يؤولونها ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه ف فهذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم وقول على وقول كلا الطائفتين باطل وقول كلا الطائفتين باطل يرد على المشبهة قوله تعالى ليس كمثله شيء ويرد على المعطلة قوله تعالى وهو السميع البصير. Donc Allah Azza wa Jal a nié à lui-même toute ressemblance et tout égo, et que aucune de ses créatures ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala, mais il s'est attribué l'attribut de l'ouïe et de la vue. Donc Allah Azza wa Jal dans le verset a dit laïsa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, rien, absolument rien parmi ces créatures ne lui ressemble. Et Allah Azza wa Jalla a quand même dit wa huwa as-sami'ul basir, mais celui qui entend tout et qui voit tout. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit fala tadribu lillahi al-amthal, ne donnez pas à Allah les semblables. Donc Allah, comme dans sourate An-Nahl, sourate les abeilles, verset 74, Allah Azza wa Jalla dit ne donnez pas à Allah des semblables, c'est-à-dire des choses qui lui ressemblent. Et dans un autre verset, sourate Al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, nul n'est égal à lui, c'est-à-dire rien n'est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Maryam verset 65, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, connais-tu ou as-tu connaissance d'un homonyme à Allah azza wa jal? Un homonyme, c'est-à-dire connais-tu quelqu'un qui mérite d'avoir le même nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et la parole Allah azza wa jalla dit fala taj'alu lillahi andada, ne donnez pas à Allah des égaux. Wal andad, et les égaux sont ceux qui lui ressemblent. Et ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala de ressemblants ni d'égaux, ni dans l'adoration, ni dans les noms et attributs, ni dans les faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse lahu, car rien ne lui ressemble dans aucun cas. Rien ne lui ressemble, yani, dans que ce soit des petites ou des grandes choses. Fal mushabbiha yuthbituna al adilla wa la yu'awwilunaha. Donc al mushabbiha, qui est la première secte, ils attestent les hadiths. Ils disent que les hadiths sont authentiques, il n'y a pas de problème. Wa la yu'awwilunaha, ils ne l'interprètent pas. Ils n'interprètent pas ces hadiths. Mais ils ont abusé dans l'attestation jusqu'à avoir fait ressembler Allah à ses créatures. Et ceci est une voie fausse. Et c'est une parole envers Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et donc ensuite, cette première secte est comparable à la deuxième secte qui est Al-Mu'attila. C'est l'opposé de Al-Mu'attila, qui eux n'attestent pas ces hadiths et nient tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux extrêmes sont dans l'égarement. Et ce qui répond à Al-Mushabbiha, à ceux qui ont attesté et accepté ces hadiths, mais ont abusé jusqu'à faire ressembler Allah à ses créatures, le verset qui leur répond, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, laïsa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Donc ce verset, ou cette moitié de verset, répond à la première secte qui est Al-Mushabbiha. Et ce qui répond à Al-Mu'attila, à ceux qui nient tout attribut à Allah Azza wa Jal, c'est la seconde moitié du verset qui est wa huwa as-sami'u al-basir, c'est celui qui entend tout et qui voit tout. Vous qui niez tout attribué à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal s'est lui-même attribué la vue et l'ouïe. Wa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.